il devient influençable par tous les moyens possibles et imaginables qui existent sur la Terre et qui conviennent à la décadence de notre civilisation. Depuis le berceau, l'homme a été mal éduqué. C'est évident que l'homme doit respecter l'homme. Mais il y a toute une différence entre respecter l'homme et perdre le respect de soi-même. Il y a des gens qui passent leur vie à perdre le respect d'eux-mêmes pour respecter les autres. Ensuite, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont malades dans le mental, puis malades émotivement, puis malades physiquement. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que vous l'êtes, c'est normal. Pas de choix. L'homme doit devenir un être authentique. Et authentique veut dire authentique. On a été confronté pendant des siècles et des millénaires à une forme quelconque d'autorité. Respecter l'autorité, c'est une chose. Mais perdre soi-même notre propre autorité, c'est une autre chose. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'autorité extérieure et l'autorité intérieure. C'est pour ça que l'exaspération, c'est très important. C'est important que vous la compreniez. Et un jour, quand vous la vivrez, vous réaliserez jusqu'à quel point elle est pénible. Mais quand vous la vivrez, l'exaspération, d'un autre côté, vous vivrez aussi, vous réaliserez ou vous sentirez aussi, peu après, que vous n'êtes pas le même. Vous changez, puis vous changez, puis vous changez, puis vous changez. Quand je dis que je comprends l'homme, parce que j'ai vécu l'état d'inconscience de l'homme, et que la vie de l'homme n'est pas facile, c'est subtil. Parce que la vie de l'homme n'est pas facile parce que l'homme ne se rend pas la vie facile. L'homme n'ose pas se donner le privilège d'être absolu dans ses mouvements humains. On dirait qu'il n'est pas capable, tant qu'il n'est pas poussé contre le mur, de devenir irréductible dans ses mouvements humains. Donc, il perd sa force. Il y a amplement d'événements dans notre vie qui nous donnent la chance d'augmenter constamment notre intelligence et notre volonté. Et le rationnel nous oblige toujours à retourner dans l'arrière. Il y en a un qui vient de me voir tout à l'heure et il me dit « Bon, ben, il y a une personne qui m'a appelé patati patata, sa petite fille, elle a 7 ans, puis elle a des problèmes de poltergeist, ainsi de suite. Devrais-tu essayer de l'aider? » Un jour, vous allez comprendre une chose. Un jour. Un jour, vous allez comprendre. Là, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment perdu d'énergie. Vous n'avez pas été exaspéré encore. Assez. Mais un jour, vous allez comprendre une chose. Puis ça va tout, ça va totalement contre la théologie chrétienne. Ça l'englobe. En même temps. Un jour, vous allez comprendre une chose. Que tout commence et que tout doit être égalisé en soi. L'homme ne peut pas donner et donner et donner et donner et donner et donner et donner. Il faut que l'homme lui-même se bâtisse. Et pour que l'homme se bâtisse, il faut qu'il se retranche astralement, il faut qu'il se retranche émotivement, il faut qu'il prenne conscience à un certain moment, il faut qu'il soit suffisamment fort à un certain moment pour dire non. Ça, ça fait partie de ton expérience, c'est pas mon expérience. Si tu le fais, c'est parce que tu veux le faire, parce que tu peux le faire, parce que tu es capable d'amener une conclusion finale. Sans ça, vous n'en sortirez jamais. Il y a des gens parmi vous qui sont accrochés, puis je viens d'en regarder une qui est accrochée avec un gars, puis elle ne veut pas dans sa vie, mais elle reste avec pareil. Mais elle va rester avec jusqu'à temps qu'elle soit exaspérée. Puis on fait tout le temps ça. C'est l'exaspération qui nous amène à être très froid dans le mental et à être très bien dans la matière. L'homme est un être très complexe. Il est très simple, mais il est très complexe. Il est complexe parce qu'il est une formulation constante d'énergie, de pensée, d'émotion, ainsi de suite. L'homme n'est pas un phénomène linéaire. Et autant l'homme veut se conscientiser, devenir conscient, autant l'homme est obligé de vivre sous l'empire du double. Et c'est pas de son désir de vivre sous l'empire du double. L'homme vit sous l'empire du double quand le double crée cette condition-là. C'est pour ça que, quel que soit le désir spirituel de l'homme, l'homme ne peut pas être autre chose que ce qu'il est dans le temps. Mais au moins, il y a des points de référence ultimes et universels et absolus donnés à l'homme par le double pour que l'homme connaisse, comprenne les lois de son action sur son ego, sur son plan mental et sur son plan émotionnel. On est des êtres d'habitude et on est des êtres craintifs de nature. On est incapable de vivre. C'est bien subtil ce que je veux dire. Comme quand je dis que le double est irrationnel ou qu'il est suprarationnel, le double nous pousse vibratoirement à faire des mouvements dans notre vie. On regarde ces mouvements-là et on dit, bon ben, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Ça tient pas de bout cette affaire-là. Ou il y a quelqu'un qui va nous dire, ça tient pas de bout cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Et ce qu'on réalise pas, c'est pas que ça tient pas de bout, cette affaire-là. C'est que le fait que ça tienne pas de bout, que c'est bon. Parce que quand ça tient pas de bout, puis qu'on le fait, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on vit des changements vibratoires, et la conscientisation de l'homme, c'est de vivre des changements vibratoires. La vie future de l'homme, la conscience de l'homme, appelez ça comme vous voulez, c'est une constante amélioration de nos champs de force qui vécu s'appelle des changements vibratoires. Alors, on est obligé d'accepter l'irrationnel et la subtile tension de l'irrationnel, parce que l'irrationnel dans la vie crée une tension. Mais si on part du fait que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qui est exécuté à travers l'homme dans la vie, est déjà une manipulation vibratoire énergétique du double contre l'ego, à ce moment-là, ben, tu vis ton expérience irrationnelle, puis t'attends qu'elle se restabilise, t'attends qu'elle se tasse. Dans ce processus-là, il peut y avoir exaspération. Dans ce mouvement-là, dans cette expérience-là, il y a ajustement des corps, il y a conscientisation, il y a mutation, transmutation, appelez ça comme vous voulez. On n'est pas capable de vivre, et ça c'est un mécanisme subtil de la psychologie planétaire de l'homme, on n'est pas capable de vivre dans le désordre. On n'est pas capable de vivre dans un certain désordre. Il y a un certain désordre que crée le double. Et ce désordre, ce certain désordre, il est créé pour débalancer le corps émotionnel, agiter le corps mental, pour que le corps mental et le corps émotionnel puissent devenir calmes dans le désordre. Quand vous serez calme dans le désordre, vous serez très calme dans l'ordre. Mais si vous êtes calme seulement dans l'ordre, quand viendra le désordre, vous serez très, très malheureux. Et dans la vie qu'on vit, dans la vie qu'on vivra, dans les mouvements sociaux qui viennent vers l'homme, que les économistes et les politiciens ne comprennent pas, quand vous aurez été capable d'absorber, de vivre le désordre créé par le double dans votre vie, et que vous serez capable de maintenir votre calme dans le désordre, et de ne pas être affecté par le désordre parce que le désordre sera irrationnel, demain vous serez très fort dans le désordre matériel créé à l'extérieur de vous-même dans la vie, par les conditions d'une conscience planétaire qui s'en va vers la désinvolture. Et à ce moment-là, vous ne souffrirez plus de quoi que ce soit dans le monde. C'est pour ça que le double vous amènera à l'exaspération pour pouvoir vivre le désordre, qui est une subtile tension entre l'ego émotivement et mentalement. Nous autres, le désordre, quand on pense au désordre, on rationalise le désordre. Parce qu'on a l'expérience de l'ordre, on a une mémoire de l'ordre. Mais c'est dans le désordre que se crée la conscience cosmique. Ce n'est pas dans l'ordre. C'est dans le désordre. Parce que dans l'ordre, vous revenez à vos principes inférieurs, le mental et l'émotionnel. Mais aussitôt que vous êtes dans le désordre, vous vibrez dans ces deux principes-là. Quand vous serez conscient, vous pourrez vivre le désordre. C'est-à-dire qu'il y aura connexion entre vous et le double, et à ce moment-là, le mental et l'émotionnel s'ajustera dans le désordre et vous serez capable de le supporter, tant que le double en maintiendra les conditions. Là, vous pourrez, à ce moment-là, avoir une mesure de votre force intérieure. On est habitués, nous autres, les hommes, à mener notre vie. On est habitué à la mener, notre vie. De là, le libre arbitre. L'homme n'a jamais mené sa vie. Il pensait qu'il menait, mais il n'a jamais mené sa vie, l'homme. Il s'est créé des buffers pour l'amener à bien. Pour avoir l'impression de l'avoir bien vécu. C'est pas en vivant d'un presbytère pendant 90 ans que tu vas fusionner. Une des grandes expériences de l'humanité face à la mutation ou à la transmutation ou à la fusion va être ceci, c'est que l'homme va s'apercevoir que c'est pas comme il pensait dans les livres. L'osmose, le passage de l'énergie d'un plan à un autre doit se faire. On est comme des hommes qui vivent sur une planète qui n'ont jamais été en avion, puis qui pensent que la condition atmosphérique en dehors de la planète, c'est les nuages qu'ils voient. Faut qu'on sorte des nuages. Les nuages, c'est l'astral. Prends l'avion, puis sors des nuages, puis tu vois que c'est bleu en dehors, puis la planète est fondue dans le bleu. Elle se meut dans le bleu. C'est ça le double. Mais nous autres, on pense en termes de nuages. De temps en temps, on voit un petit peu de bleu, on est heureux, on est content. Après ça, hop, il y a encore des nuages. On n'est pas capable de sortir complètement des nuages pour rester toujours dans le bleu. On a la chienne dans le bleu, parce que c'est vaste, le bleu, tu comprends? T'as plus de point de référence dans le bleu. Tu perds de vue ta planète dans le bleu. Tu perds de vue ton ego dans le bleu. Ceux qui ont fait des voyages astral, vous savez, quand vous sortez en astral, vous paniquez, vous revenez vite, hein? C'est pour ça que l'exaspération est très importante, parce que l'exaspération force la pénétration du double dans l'ego. S'il y a une force qui est irréductible, c'est le processus de pénétration du double dans l'ego par l'exaspération. Grande souffrance d'exaspération. Quand je dis que c'est des chiens, vous riez d'un séminaire. Vous êtes tout énervé d'un séminaire qu'un homme qui est supposé être conscient vous parle des chiens. Il y en a qui commencent à comprendre le nom des chiens, là. Il y en a qui sont prêts à admettre que c'est des chiens. Au lieu des petits anges avec des bretelles, des perruques. Je pense qu'il n'y a pas gros parmi vous autres qui croient aux anges, là. L'homme est un être étrange. On est étrange, les hommes. Étrange. Les extraterrestres, quand ils viennent ici, ne restent pas trop longtemps, ils repartent. On est étrange. L'exaspération est synonyme de la destruction du corps astral. Elle est synonyme de la pénétration du développement chez l'homme de la volonté et de l'intelligence, l'exaspération. La plus merveilleuse des souffrances que l'homme peut connaître, que l'homme peut subir. Quand même qu'on rationalise l'exaspération, on la vit pareil. On la vit pareil. Puis on se bluffe. Ouais, moi, me suicider. Moi, faire ci, je vais faire ça. Moi, me couper le doigt. On se bluffe. On est des vrais oreillers. Vivre l'irrationnel, c'est très pénible pour l'homme. Parce qu'on n'est pas habitué. On a toujours décrit l'irrationnel. Surtout depuis 200 ans avec l'avènement de la science. La grande science. On réalise pas, nous autres, que on est mené, on vit à partir de notre conscience animale. Parce qu'on est des hommes, puis on a des autos, des télévisions, on pense qu'on n'a pas de nature animale. Notre corps astral, c'est notre nature animale. Et notre corps mental est très influencé par notre nature animale. On pense qu'on a évolué depuis des siècles. L'homme n'a pas évolué depuis des siècles. Il a progressé. Il y a une différence entre progresser et évoluer. Il y a une maudite différence. Quand je dis que c'est une très grande mesure de l'homme d'en arriver à être écœuré de la conscience, je vous en donne un point de référence. Parce que tant que vous serez intéressé à la conscience, vous serez obligé de vivre des insinuations astrales à travers votre mental. Puis des insinuations astrales, ce sont des formes pensées qui font partie de la mémoire de l'homme, qui font partie de votre mémoire et qui maintiennent votre ego dans une sorte de suspension. Puis il y a des gens qui peuvent demeurer des années là-dedans, dans cet éther-là. J'aimerais ça répondre à des questions. Des insinuations astrales, ce sont des formes de pensée qui vous passent dans la tête puis qui vous flattent. Qui flattent toujours votre ego, qui sont toujours plus faciles que réels. Le réel n'est jamais facile. Le réel n'est jamais facile parce que l'homme est fait de deux parties. L'homme est fait d'une partie planétaire et il est fait d'une partie qui est cosmique. Et la partie planétaire, c'est la partie où l'homme a connu le plus d'expérience. L'homme n'a pas connu d'expérience de la partie cosmique. Donc, l'homme a toujours tendance à vivre planétairement, c'est-à-dire à vivre en fonction d'une intelligence ou d'une forme pensée quelconque qui convient à sa mémoire planétaire. Il n'est pas habitué de vivre en fonction d'un mouvement d'énergie qui est totalement irrationnel, qui est totalement autre que les conditions qui auraient dans le passé suffi à son émotion ou à son mental. L'homme, c'est comme une maquette. L'homme, il est maquette. Et lorsque l'homme se conscientise, il commence à se fracturer en lui la maquette. À se fracturer la maquette. Donc, l'ego est totalement... Il est mal pris, il sait plus quoi faire, il est comme dans un limbo. Jusqu'à temps qu'il soit suffisamment raccordé à l'énergie du double pour passer directement à l'expérience vibratoire, puis à ce moment-là, ne plus sentir qu'il est maquette, mais sentir qu'il est créatif, qu'il est autre, jusqu'à temps que ça s'ajuste, et qu'il ne souffre plus de cette dissociation qui existe lorsque l'homme vit au niveau du double, au lieu de vivre au niveau de sa conscience égoïque. L'homme, il est totalement maquette. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est la réalité. On la projette, on projette qu'est-ce que ça peut être, la réalité. Mais la réalité qu'on projette, nous autres, c'est toujours une réalité qui est idyllique. C'est toujours un monde où il y a des belles fleurs, puis c'est beau, puis il y a de l'harmonie, puis des belles maisons, puis des belles rues, puis les gens sont beaux, puis ont des belles vibrations. On projette, surtout ceux qui ont un écran mental peuvent projeter encore plus. Alors, pour nous autres, quand on parle de conscience cosmique, on la projette dans un monde quelconque. La conscience cosmique, elle n'existe pas seulement dans des plans éthériels. La conscience cosmique doit exister sur le plan matériel aussi. C'est un tout, cette affaire-là. Alors, in the meantime, nos pensées ne sont pas ajustées parce que nos pensées sont le produit d'un mécanisme personnel. Et dans ce mécanisme personnel-là est inclus la qualité de l'insinuation, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vivre mentalement sans être constamment alourdi dans notre intelligence. C'est ça l'insinuation. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable d'être dans son intelligence. D'ailleurs, l'homme n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui pensent que Bernard est dans son intelligence, puis Bernard, il y a tout ça ici de quelque part. Ça marche pas de même. Être dans son intelligence, c'est être dans un rapport étroit avec le double, à un tel point que l'ego s'efface pour laisser place à la canalisation du double. C'est ça, être dans son intelligence. Sa volonté, c'est la même chose. Alors, à ce moment-là, ça te permet de vivre dans ton intelligence ou dans l'énergie de ton double sur le plan matériel. Si tu changes de plan, mais c'est encore la même chose, mais dans des conditions autres, avec d'autres lois. Mais il n'y a plus d'insinuation. Mais l'homme, on dirait que l'homme est divisé dans son mental. Il y a une partie de lui qui est quelque part ici, qui parle, puis il y a une partie de lui qui est ici, puis qui reçoit. Il faut que ça soit unifié, cette affaire-là. L'homme n'a pas besoin de recevoir pour être intelligent. Il reçoit anyway. Nos corps sont alimentés à partir du mental jusque sur le plan matériel. Fait qu'on est toujours dans cet éther-là. Mais on a des buffers, on a des mécanismes qui nous empêchent de réaliser cette constante. Et ces buffers-là, ce sont nos émotions. Ce sont nos émotions. Et on peut pas nous-mêmes, personnellement, éliminer nos émotions. C'est l'exaspération qui nous fait éliminer nos émotions. Il faut être exaspéré pour éliminer l'émotion. Pour que s'élimine l'émotion, il faut être exaspéré. Sans ça, on créera d'autres émotions, on se robotiserait. On deviendrait des yogis, des êtres qui sont totalement végétatifs, qui n'ont aucune intelligence créative, des vrais moineaux assis sur une branche. Lorsque quoi? Quand tu es exaspéré, il se passe, tu vis une certaine énergie, puis c'est évident que ceux qui sont dans le coin vont recevoir un petit chat. Non, parce que ils vivent pas de la même façon. Ils n'ont pas conscience que c'est le double qui chatouille. Bon, ils vivent au niveau de l'émotion. Ah, c'est pas pareil. Ah, pareil. L'exaspération qui est donnée à l'homme ou que vit l'homme parce que l'ego est là, c'est une autre sorte d'exaspération. C'est très pénible parce que tu peux pas l'arrêter. Elle est vibrante, elle est plus psychologique. L'exaspération de l'homme inconscient est psychologique. Mais l'exaspération de l'homme conscient est vibratoire. De là sa grande souffrance. Elle est directe, puis tu peux pas l'arrêter. Surtout si tu niaises, c'est encore pire. Tu sais, quand tu deviens. Quand ta maison passe au feu, puis ils disent c'est pas important, tu n'as plein de cul en crisse. Mais il a toujours raison, le double. Tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que. Quand on dit que peu peuvent être élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu sont capables de vivre ça, de vivre ce taux vibratoire-là exigu, ce taux vibratoire-là où l'âme n'a plus de pouvoir sur l'homme, c'est que le double. Faut être très fort. C'est ça la conscience. C'est pour ça qu'un jour viendra, quand ça sera le temps, ce sera très facile à l'homme de passer d'un plan à un autre, parce que l'homme n'aura plus d'émotion, il n'aura plus de mentalité subjective pour empêcher que le double change les vibrations de l'homme pour l'amener sur un autre plan. Alors, la préparation est là. Alors, c'est pour ça que l'exaspération fait partie de l'initiation solaire. Définitivement partie. It's the cornerstone of solar initiation. L'exaspération? Non, c'est pas de l'anxiété. L'exaspération, c'est de l'exaspération. C'est la révolte de l'ego contre le double. Ouais. Un ego qui se révolte pas contre le double n'est pas conscient du double. Quand je vous dis que vous en arriverez un jour à être écœuré de la conscience, de tout ce qui est conscience, de mot conscience, pour pas de conscience. Vous comprendrez. C'est parce que vous aurez été assez exaspéré, puis assez écœuré que vous serez guéri. Mais vous serez conscient à ce moment-là. C'est la révolte de l'ego contre le double. C'est normal de l'ego. C'est normal à l'ego de se révolter contre le double. C'est normal. D'ailleurs, un ego qui ne se révolte pas contre le double, c'est un ego qui ne peut jamais avoir de volonté d'intelligence. Jamais. Il y en a un parmi vous autres qui a des séminaristes, ça fait bien, bien longtemps. Il était tout abasourdi, il était tout énervé quand je t'en maudis contre eux autres. Je parlais de même dans ce temps-là. Hey, ils ne parlent pas de même contre eux autres. Il est rendu à grande bâtisse aujourd'hui. Rendu à grande bâtisse. Il s'est astralisé, là, Charles. Il est deux pieds en ciment. Il est tout énervé. La sainteté. Un vrai saint. Ça montre jusqu'à quel point on était conditionné dans le passé par la crainte. C'est la crainte. Appelez ça la crainte du spirituel, la crainte du sacré, après ça la crainte de n'importe quoi. C'est la crainte qui nous empêche, nous autres, les hommes légaux, de se révolter contre le double. Parce qu'on a peur des rétributions. Beau niaiseux. Il nous met la flamme au cul, puis on a peur d'être rétribué, parce que ça nous brûle les fesses. Quand c'est ça qu'il veut, pour qu'on l'éteigne la flamme, nous autres, en pétant dessus. Fait que c'est qu'on fait, on garde les gaz en dedans, puis éventuellement on devient des ballons. Question. J'ai déjà dit au monde, arrêtez vos questions. Là, il y en a qui me prennent au sérieux, ils ne demandent plus de questions. J'ai dit arrêtez les questions pour que vous en arriviez à comprendre, à prendre un break avec vos questions dans votre mental. Mais il y a des questions, on peut en demander des questions. Il y a une différence en demander des questions et en manger de la questionnerie. Quoi? L'exaspération? L'exaspération, c'est le point où l'ego est écœuré d'être patient. C'est ça l'exaspération. Des questions. Il n'y a pas de questions. Quoi? Fort. Pardon? L'effort qui est une illusion? La différence entre l'effort qui est une illusion puis quoi? Yeah. Ah, l'effort, OK. L'effort, c'est une illusion parce que l'effort, ça vient de l'ego, c'est la souffrance qui est réelle. La souffrance, ça, c'est pas une illusion. Mais l'effort, c'est une illusion. L'effort de quoi? L'effort de quoi? Tu vas faire l'effort de quoi? Si t'as pas de vibration pour aller travailler, comment tu ferais un effort? Si t'es coupé d'aller travailler, si tu fais un effort, c'est parce que t'as assez d'ego pour astraliser ton mental pour y aller. Ça, c'est bon pour les âmes inconscientes de faire des efforts. L'humanité fait des efforts. L'effort, c'est une qualité positive de l'homme inconscient. Mais quand tu te conscientises, éventuellement, tu peux plus en faire d'efforts parce que t'es sous la vibration, t'es sous la vibration du double. Tu vis l'énergie, tu canalises, ou le double canalise son énergie à travers ton ego. T'as plus besoin de faire d'efforts. Ça se fait automatiquement parce que t'as déjà une volonté créative. L'effort, c'est une volonté subjective. L'absence d'effort t'amène à une volonté créative. Mais si tu restes toujours dans la volonté subjective, le double va briser ça éventuellement. Il va t'enlever le corps de désir ou l'astralité qui te fait faire des efforts, qui te fait utiliser ta volonté subjective, pour t'en arriver à vivre ta volonté objective. Parce que souvent, l'homme fait des efforts pour contrer la volonté objective de l'ego, du double. Il y a des gens qui vont faire des efforts, mais ils font des efforts parce qu'en faisant des efforts, ils se sécurisent émotivement. Exemple. Quand vous êtes bien, bien actif pendant des années de temps, puis tout d'un coup, vous commencez à changer, puis changer, puis changer, puis tout d'un coup, une journée, vous êtes chez vous, puis t'as pas le goût de laver les murs. Avant, tu lavais les murs à tous les jours. Ton mari arrivait à 5 heures, puis les murs étaient propres à tous les jours. Une journée, il arrive chez vous, puis il est habitué, le bonhomme. Il arrive chez vous à 5 heures, puis t'as pas lavé les murs. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait de journée? T'avais pas la vibration. Tu peux pas aider, t'avais pas la vibration. Il va dire, qu'est-ce que t'as pas fait d'effort aujourd'hui? C'est ça la différence entre les deux. Vous ne pouvez pas retarder votre évolution, non. Définitivement pas. Elle met en évidence la subjectivité de l'homme à la volonté cosmique de Dieu. Fait que Job il a tout laissé ses possessions, OK, pour faire plaisir à Dieu. Mais ça, c'est parce que c'était un sans-dessein. Aujourd'hui, il n'aurait pas fait la même chose. Autrement dit, ce qui fait partie de la Bible, ce qui fait partie des anciens traités, des anciennes doctrines de l'humanité, ça faisait partie de l'évolution de l'homme. L'homme devait être donné dans le passé des guides, des guidelines pour son évolution, pour la progression de ses mœurs. Mais rendu à la fin du 20e siècle, l'homme ne peut plus vivre de ça, c'est plus assez ça. Faut que l'homme rentre dans son intelligence et ne peut plus vivre simplement dans la domination astrale de certains concepts religieux, philosophiques ou théologiques qui faisaient partie de l'ancienne humanité. On rentre dans une nouvelle humanité. Quand tu es à l'université, tu dépasses des choses que tu as apprises à petite école, mais c'est la même chose. C'est ça la situation de Job. Mais au moins, il était chanceux, il était redonné plus tard, après. Mais s'il n'avait pas été redonné, il aurait été exaspéré. Il aurait sorti son tas de marde. Non, ça, je suis très d'accord, ça. Ce que je veux dire... Tu sais, quand je parle de vibration, moi, quand vous avez la vibration, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas la vibration pour travailler. C'est pas qu'ils n'ont pas la vibration pour aller travailler, c'est qu'ils n'ont pas la volonté subjective pour aller travailler. Ça, c'est une chose. Fait que pas avoir la volonté subjective pour aller travailler, puis pas avoir la vibration, c'est un autre élément. Quand tu n'as pas la vibration, c'est que le double t'empêche d'aller travailler. Fait que quand le double t'empêche d'aller travailler, comment tu voudrais aller travailler? Tu peux pas y aller. Là, c'est un autre élément. Fait que si le double t'empêche d'aller travailler, tu peux pas y aller. Là, ton ego, lui, il vibre en maudit. Parce que ton ego, lui, il va dire, ben oui, il faut que je mange. Faut que je paye mon loyer. Le double va dire, inquiète-toi pas. Là, c'est un autre. Là, c'est le double qui run. Là, il travaille le double, là. L'affaire de l'effort, je pense que l'affaire de l'effort, puis l'affaire de l'effort, puis l'affaire de power, la vibration, c'est une chose que les gens vont comprendre avec le temps. Quand je dis que l'homme en arrive à, on en arrive à plus pouvoir faire d'effort. On en arrive à ça. Mais en arriver à ça, ça veut dire qu'il vient un jour où la fusion entre le double et l'ego est tellement grande que l'ego, c'est plus lui qui rentre. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus lui qui fait l'effort. Il n'y en a plus d'effort. Même si l'ego faisait quelque chose qui demanderait normalement beaucoup d'effort, il n'y en a plus d'effort. C'est le double qui run. Je vous donne un exemple dans mon expérience. Moi, quand j'étais en Californie, j'étais allé chercher un motel un soir, il m'a fait faire 400 000. Puis j'étais bien fatigué, rendu au bout de 400 000. Puis rendu au bout de 400 000, il dit, va-t'en au point de départ, il faut que je fasse un autre 400 000 pour me trouver une maudite chambre. J'ai pas fait d'effort, Charlie, laisse-moi te dire. C'était pas un effort, c'est le double qui run l'ego. Mais non, c'est ça, quand tu vis au niveau du double, quand tu vis au niveau de la fusion, t'as pas de choix. Donc, si t'as pas de choix, tu fais pas d'effort. Comment j'aurais pas voulu faire le 400 000, il me l'aurait fait faire pareil le 400 000, parce que c'est lui qui run. S'il me fait marcher mes pattes rentrent dans le char, puis il me fait peser sur le gaz, puis le char part. Faut que je le conduise, le char. Hein? Tant que vous ne serez pas suffisamment avancé dans la fusion, vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire pas faire d'efforts. En attendant, faites-en des efforts. Sans ça, vous allez crever de faim. Ça, je veux dire. OK? Je le mets clair. Là. C'est assez clair, là. Pas faire d'efforts, c'est vibratoire. T'as pas le choix. Tu peux pas. Moi, ma main est petite, là. Et là, ma main, je suis pas capable de lever ma main. Comment je voudrais, puis j'essayerais tout, je suis pas capable. J'ai pas de volonté subjective pour lever ma main. Et là, je suis capable. Ça, c'est le double. C'est le même que ça marche. Mais il faut avoir conscience du double. Il faut être dans la conscience du double. Il faut que le double soit imprimé sur le cerveau humain pour qu'on puisse vivre sans faire d'efforts. Parce que quand tu vis sans faire d'efforts, la vie est le fun. En attendant, mais l'homme fait des efforts. Mais ça, c'est sa conscience planétaire expérimentale. Lorsque l'ego se révolte contre le double, le double peut couper la communication. Oui. Effectivement. Parce que l'ego va chercher une sorte de réconfort dans la communication, puis le double va même y enlever le réconfort de la communication. Tu es heureux, mais tu vas faire quelque chose. Apprends l'italien. Apprends l'italien. Il y a toujours quelque chose à faire dans la vie. Si tu trouves ça trop plate, tu vas trouver quelque chose. Bon, t'es pas rendu à ce point-là, toi. Vous saurez bien qu'est-ce que c'est l'exaspération un jour. Ah, ça, quand même. Je vais vous en donner une qui est exaspérée, moi, sa petite rougette, là, celle qui est cheveux rouges. Elle a connu ça, l'exaspération. Elle peut vous en parler, hein. Tu sais, quand je vous dis, quand je vous explique des choses dans une conférence ou quoi que ce soit, il y a toujours des nuances à ce que je dis. Il faut que vous en arriviez à comprendre les nuances. Si je dis, tu fais pas de, y a pas de, t'as pas d'effort à faire. Je vous dis qu'un jour, d'ailleurs, je vous parle toujours pour demain. Je vous l'ai toujours dit, je vous parle toujours pour demain, pas pour aujourd'hui. C'est demain que vous comprendrez qu'il n'y a pas d'effort à faire. En attendant, mais t'en fais. Tu fais de ton mieux. Mais je retourne à l'exaspération. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le double. Le Saint-Esprit. Puis la raison pour laquelle je vous explique aujourd'hui qu'est-ce que c'est le double, c'est pour vous faire comprendre que l'homme est beaucoup plus quelque chose qui ne sait pas que quelque chose qui sait. Et là, quelque chose qui ne sait pas l'homme qu'il est, ça grandit au fur et à mesure qu'il vit la conscience, autrement dit, qu'il vit la fusion avec le double. Autrement dit, l'homme, ce qu'on appelle l'homme, c'est une relation d'énergie entre différents plans. Les plans qu'on connaît, nous autres, c'est le plan mental, l'énergie émotionnelle, l'énergie vitale, l'énergie physique. Ça, c'est ce qu'on connaît, nous autres, de l'homme. Mais l'homme est plus que ça. Ajoutez à ces quatre énergies-là, l'énergie du double, vous avez un autre homme, un autre être, qui fonctionne totalement différemment de l'être planétaire. Et quand l'homme commence à vivre à ce niveau-là, de ces cinq sortes d'énergie-là au lieu des quatre, il commence à réaliser deux choses. Que d'abord, il n'y a aucune limite à sa conscience. Ceci veut dire qu'il n'y a aucune limite à sa capacité de détruire ce qu'il a connu. Et détruire ce qu'il a connu, c'est essentiellement vital à l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est un homme qui détruit tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a été enregistré dans sa mémoire.